Bonsoir. Bienvenue dans ce 26e live de Beauté Imaginée. Je reçois ce soir Marine et Sarah. Sarah est déjà connectée. Salut Sarah. Salut. Tu m'entends bien? Oui, tu m'entends bien, toi? Parfait, ouais, moi aussi. Ah, je crois que Marine n'a pas répondu à temps. Ça devrait la relancer dans un instant. On va voir si elle nous écrit quelque chose. Hop. Alors, elle ne reçoit rien apparemment. Donc, ce soir, on va s'intéresser au féminisme et à son, disons, sous un angle cosmétique, comme d'habitude, dans Beauté Imaginée. Hop, je vais juste ajouter Marine à l'émission, si ça fonctionne. Il y a toujours voilà, ce petit aléa. On n'est jamais sûr que ça fonctionne du premier coup. Est-ce que Marine reçoit mon appel? Pas l'impression. Ah, reconnexion de Marine, Je il y a crois que ça écrit. marche. Ah, ce En attendant, je vais voir qui. Accepter ce rendez-vous ce soir. Nous avons Claire, bonsoir Cricri, salut Andrea, bonsoir Caroline et bonsoir Bobo. Merci à tous d'avoir accepté ce rendez-vous pour parler donc notamment de féminisme sous le prisme cosmétique, de taxes roses, de sexualisation aussi des publicités de cosmétiques. Je regarde si j'arrive à rejoindre Marine. Alors, bon, désolée pour ce contretemps. Peut-être que je vais tout de suite te faire parler un petit peu, Sarah, pendant que j'essaye de faire nous faire. Enfin, que Marine nous rejoigne. Tu peux peut-être un petit peu Bien un petit nous peu. dire si toi tu te vois comme une féministe. Enfin, si tu peux nous parler un peu de ton approche du féminisme, ce serait super. Et pour l'instant, je rappelle Marine. D'accord, ça marche. Ben, du coup, moi, ce que je vois comme, enfin, pourquoi je me sens féministe, c'est parce que j'aimerais qu'on arrive à atteindre une certaine égalité entre hommes et femmes, que ça par rapport Ouais. à la question des salaires. Que ce soit aussi par rapport aux questions de discrimination à l'embauche, des stéréotypes de genre de manière plus générale, et aussi D'accord. parce que je pense que la question aussi des violences faites aux femmes est un sujet qui nous touche au quotidien et qui est un sujet important dans le féminisme justement aussi et dans lequel je me retrouve. Et j'aimerais par exemple qu'on arrête d'avoir peur dans la rue de se faire agresser ou même que les agressions cessent de manière générale en fait. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, je vois. Donc, c'est un sujet auquel auquel tu es sensible finalement, Oui, dans beaucoup pour le l'ensemble. coup. Ouais. C'est ça qui est très intéressant. Bah, c'est d'ailleurs Marine qui nous a présenté. Donc, j'attends qu'il nous rejoigne. Là, je clique, mais ça ne fonctionne pas. Ajouter à l'émission. Non, ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais juste lui demander de recommencer. Hop. Hop là, c'est pas facile. Et donc du coup, pourquoi ce live en ce moment? C'est parce que mercredi dernier, en fait, à 9h22 précisément, on a été appelées, nous les femmes, à arrêter de travailler pour compenser l'écart de salaire, en fait, avec les hommes, statistiquement, qui est donc de 17% apparemment en 2021. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un moment un peu symbolique pour parler des inégalités qu'on pouvait subir aussi dans ce monde de la beauté. Alors, je regarde. C'est écrit que Marine est en attente. On va bien finir par y arriver alors. J'essaye. Une autre technique. Du coup, pendant ce temps, Sarah, je continue à te faire parler un petit peu pour que nos auditeurs n'aient pas, n'attendent pas dans le vide. En fait, du coup, ce qui. Ah, attends, rejoindre un temps. Hop. Mince. Je l'ajoute une dernière fois. Et puis, donc en fait, toi, tu travailles en ce moment sur un mémoire de communication, Sarah. Oui, effectivement. Du Et coup, avec un je thème travaille sur. fascinant, ouais. Du coup, genre, moi, on m'a dit que pour mon mémoire, il fallait que je trouve un sujet de mon quotidien qui puisse m'intéresser parce que ça reste un travail de longue haleine sur toute l'année. Et en voyant une publicité à la télé, ça m'a interpellée à quel point j'avais l'impression que l'image de la femme qui était véhiculée était très sexualisée. Et j'avais pas l'impression que la pub s'adressait à moi, en fait, alors que je suis censée être un peu la D'accord. consommatrice cible. Et du coup, ça, Oui. j'ai voulu un peu axer mon mémoire sur cette question-là en travaillant sur la question de la représentation de la femme dans les pubs de parfum en France pour essayer de pas trop. Parce que ça peut être un sujet très large. Du coup, j'ai voulu recentrer un Ah petit peu oui. en France. Et sinon, ça allait être un petit peu trop large. Parce que je me suis dit, ça se trouve, est-ce que c'est peut-être moi qui perçois mal la chose? Est-ce qu'entre ce que les stratégies de marketing, de publicité qu'ils essayent de mettre en place, est-ce que nous, en tant que consommateurs, ça se rejoint? Est-ce qu'il y a un énorme gap, en fait? Je me disais que ça pourrait être D'accord. intéressant de travailler sur ça. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est assez fascinant. Et oui, tu as estimé que c'était le parfum qui était particulièrement, enfin, qui représentait particulièrement cette problématique. Oui, parce qu'en fait, dans les pubs de parfum, souvent, ben, il y a aussi ce côté où en fait, c'est l'olfactif, en fait, c'est quelque chose de pas, c'est pas quelque chose qu'on peut, c'est pas un objet, enfin, ça, il y a le parfum, en lui-même, l'objet du parfum et tout, mais c'est tout travail sur les odeurs. Et en fait, c'est marrant comment j'ai l'impression que c'est les corps, en fait, qui sont mis en avant pour vendre, en fait, quelque chose en soi qui est pas tellement tangible. Enfin, c'est une odeur, c'est. Et je Oui. trouve que dans les pubs de parfum, c'est vraiment très flagrant, en fait. Plus que dans d'autres pubs, Oui. justement. C'est finalement un produit pour lequel enfin, la publicité, mais moins, on pourrait presque ne pas deviner finalement qu'il s'agit d'un parfum, quoi. C'est vraiment assez abstrait en général. Ouais, c'est ça, vraiment, comparativement à d'autres pubs, parfois, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour voir le petit flacon pour se dire, ah oui, effectivement, c'est une pub de parfum. Je trouve que Oui, je c'est vois. vraiment propre au parfum pour le coup, parce que c'est moins le cas dans d'autres publicités, je trouve. Ouais. D'accord. Ah ben c'est vrai que ça fait réfléchir. Bon, tu vas nous en dire plus dans un instant. Ah là, je suis désolée, j'essaie avec Marine, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, Oh, Marine? ça y est. Ah mon Dieu. Ah, ça y est, ça marche. Super. Et comment tu as fait finalement? Ah, j'ai réessayé pour la 10e fois. Ouais, Et ça c'est a OK. fonctionné miraculeusement. Ah là là, donc Désolée, du coup. t'as éteint l'application et relancé, c'est ça? Ah oui, plusieurs fois, mais ça faisait rien et je recevais pas de notification. Il fallait que j'aille sur Oui. l'application pour recevoir ton appel. Enfin, D'accord. très Bon, étrange. bah génial, on est arrivé. Merci On est Sarah ravis. d'avoir pu un peu combler en attendant la conversation. Je joue le commentaire de Louis qui a nous rejoint. Salut Louis, merci d'être là. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir Louis. Alors, qui est avec nous pour parler donc des inégalités hommes-femmes en cosmétique, avec notamment la notion de taxe rose? On a Andrea, salut. Morgane, bonsoir. Louis, bonsoir. Cricri, Claire et Paul, bonsoir à tous. Alors, du coup, ce qu'on là, on, tu as peut-être entendu déjà, Marine, on posait un peu le contexte, le fait que, avec l'écart salarial, c'est le mercredi 3 novembre qu'on nous a incité à arrêter de travailler pour combler un petit peu cet écart. Et donc ce soir, voilà, je voulais avoir une invitée ou un invité un peu sensible à toutes ces notions de féminisme. Du coup, toi, Marine, c'est ton cas. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de co-animer ce live ensemble. C'est la deuxième fois puisqu'on avait fait un live sur le stress toutes les deux, n'est-ce pas? Exactement, oui. Et en Oui, plus, bah tu merci m'as de donc, m'avoir réinvité. bah, avec plaisir, tu m'as présenté Sarah, du coup, qui est aussi sensible au sujet. Elle vient de nous le dire, donc on va parler de tout ça. Chers auditeurs, n'hésitez pas à témoigner. Est-ce que vous vous sentez concerné par les débats sur les inégalités hommes-femmes ou est-ce que vous regardez ça plutôt de loin? Dites-nous, voilà, si c'est un thème important pour vous. Et donc, on va commencer en parlant d'abord du féminisme de façon un peu globale, puis sous ce prisme du marché des cosmétiques. Et ensuite, pendant le quiz, on évoquera la fameuse taxe rose, donc le fait que certains produits de beauté soient plus chers juste parce qu'ils sont destinés aux femmes au final. Vous êtes prêtes, les filles? Oui. Prêtes. Alors, du coup, première question. Alors, je t'ai déjà demandé voilà, si tu te considérais comme féministe, Sarah. Et donc, en effet, est-ce que Marine, tu peux aussi répondre à cette question? Oui, bah du coup, moi je me considère comme féministe, je pense pas être très extrémiste. Il y a différents types de féministes. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord sur les mêmes idées, mais je trouve ça important de défendre l'égalité homme-femme, mais il y a encore beaucoup trop de choses où il n'y a pas d'égalité, ou alors les femmes peuvent se sentir en danger, ce qui n'est pas normal. Donc Ouais. voilà, il y a plein de choses à faire. Ouais, je vois. Je joue le commentaire d'Andrea qui Bonsoir, bonsoir à intervient. tous. Merci Andrea et merci à la bonjour à la petite voix derrière, toute mignonne qu'on Oui. entend, qui est peut-être une future féministe, je ne sais pas. Alors du coup, est-ce que Marine, tu as eu l'occasion de faire un peu soit des recherches ou de suivre des cours peut-être sur le sujet? Oui, alors du coup, pendant ma deuxième année d'études, j'ai suivi une option qui s'appelait études de genre, introduction aux études de genre. Bah, on l'a suivie avec Sarah. Et D'accord. c'était très intéressant. On a appris plein de choses. Donc, comme il n'y avait pas, c'était juste une introduction, donc on n'a pas le temps de tout aborder, mais on a abordé les grandes thématiques des violences contre les femmes, la division sexuée au niveau du travail, du marché de l'emploi, les femmes en politique. Donc voilà, c'était assez large. Et puis l'année dernière, j'étais censée être en Suède et pendant un de D'accord. mes cours, donc j'ai quand même suivi les cours en distanciel, et en Suède, ils sont quand même plus avancés que nous sur la question, plus avancés qu'en France. Et donc D'accord, dans un cours de ouais. théorie politique, on l'évoquait beaucoup, et c'était intéressant aussi parce que c'était beaucoup de comparaisons entre pays. Donc moi, je pouvais comparer avec ce qui se faisait en France, et je pense que ça m'a encore Ah. plus fait me rendre compte de certains Ce qui était problèmes et possible, de... oui. C'est ça, Et exactement. une meilleure situation est possible. T'as un exemple à nous donner? Bah, par exemple, là, sur vraiment au niveau de ce qui se fait en Suède et ce qui se fait en France, je me souviens de ce qui m'avait un petit peu choquée, c'était sur les congés parentaux au moment de la maternité et du fait que en France, nous, le père a encore très peu de Ah congés possibles. Ça a été oui. augmenté Ça vient d'être récemment, augmenté en là, je crois, effet, mais l'été, ouais, ouais. c'est ça, mais ça reste Un vraiment mois, très bon. peu. C'est ça. Alors que, il me semble que, en Suède, il peut avoir des congés, avant, enfin pendant les derniers mois de grossesse, et puis une fois que le Ah. bébé est né, et c'est vraiment beaucoup plus long, et c'est incité. Il y a des périodes de congés qui sont obligatoires pour, en fait, bah, dès le début, dans l'éducation, impliquer vraiment le père Ouais. et qu'il soit aussi présent que la mère, quoi. Ouais. Donc Ouais. voilà. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça montre que ouais, une autre organisation est C'est ça. envisageable. Il y a Cricri qui Oui. intervient. Bonsoir Cricri. Même si je trouve que ça évolue dans le bon sens, moi j'ai travaillé dans une grosse entreprise et ce que je disais, c'est que tant qu'il n'y aura aucun homme à temps partiel, puisque c'était le cas, il n'y avait que des femmes à temps partiel, moi j'estimais que l'égalité n'était pas au rendez-vous. Ou alors que les hommes qui auraient aimé se mettre à temps partiel n'assumaient pas parce que n'assumaient pas de passer à temps partiel parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Ils sentaient qu'ils allaient être un peu déconsidérés. Ah oui, Ouais. ouais, c'est sûr si oui, du coup j'imagine que c'était des temps partiels pour s'occuper finalement d'enfants en bas âge. Et oui, là Ouais. on voit le ouais. la Ouais. problématique. Moi, pour avoir travaillé dans la grande distribution, je me souviens de personnes assez haut placées dans l'entreprise en question qui avaient été horrifiées que le fournisseur en face prenne son congé parental de 14 jours. C'était vraiment devenu Ouais. leur running gag. Donc, ça montrait aussi qu'il y a certaines mentalités, oui, qui font culpabiliser, même si légalement, ça peut commencer à évoluer. Il y a certaines cultures d'entreprise où ça reste compliqué. C'est Ouais, dommage. totalement. Et Si je peux, ouais. je veux juste faire une petite anecdote qui va aussi dans ce sens-là. L'année dernière, j'ai aussi fait un stage et à un moment, j'ai fait un entretien de ma maître de stage qui me racontait que une fois, il y avait eu une réunion dans son ancienne boîte où son directeur de l'époque était parti de la réunion en disant bah, je suis désolée, la réunion n'est pas terminée, mais moi je dois aller chercher ma fille à l'école. Donc on avait dit que ça Ah se terminerait à cette heure-là, voilà, tant pis. Et 10 minutes avant lui, il y avait quelqu'un d'autre qui était pas un autre homme qui était parti et qui avait dit qu'il avait des obligations, je sais pas, type un train, enfin voilà. Et en fait, son ancien directeur arrive devant l'école de sa fille et se rend compte qu'il y a son collègue qui est là. Et qui a ah, juste d'accord. pas osé dire qu'il allait chercher sa fille parce qu'il pensait que ce serait mal vu, qu'il serait jugé, qu'on ne le laisserait pas partir. Donc ça va dans ce sens-là aussi en effet, c'est pas toujours accepté encore socialement. Bah oui, c'est rigolo comme anecdote. Il a dû Ouais. se sentir bien gêné du coup. Ouais, c'est Ouais. sûr, c'est dommage. Si tout le monde assumait, ça permettrait de montrer l'exemple. Mais bon, ça on va bien y arriver petit à petit. Toi, Sarah, du coup, tu avais aussi suivi ce cours-là et c'était aussi enfin, t'as aussi apprécié du coup. Oui, j'ai beaucoup apprécié ce cours. Je trouvais que les thématiques qui étaient abordées étaient intéressantes et on découvrait des aspects qu'on n'imaginait pas forcément. Ce n'était pas la première à laquelle on pensait. Et ce qui était Oui. intéressant, c'est qu'à la fin de ce cours, pour valider, on devait faire une enquête. Et du coup, nous, Oui. on avait voulu travailler sur la question des écoles. En gros, les écoles d'ingénieurs, pourquoi il y avait si peu. Enfin, c'est tellement marqué la différence là, en termes de présence entre les hommes et les femmes. Il y a très peu de femmes dans les écoles Ah, d'ingénieurs. d'accord. Et du coup, malgré le Covid, on avait passé des entretiens, des enquêtes et tout. Et qu'on avait réussi à pas mal diffuser quand même. On avait eu beaucoup de réponses. Et c'est vrai que Ouais. c'était tellement intéressant en fait, de ça et de voir qu'en fait, il y avait tellement de logique derrière, que ce soit l'école. La façon dont les profs encouragent les élèves à y aller, pas y aller, selon si c'est un garçon ou une fille, plein de Ah, logiques comme ça, même parentales. Et c'est vrai d'accord. que on voit que c'est assez systémique en fait, et j'avais trouvé ça super intéressant. Ah, alors, autant pour les parents, je peux ne pas être si étonnée, autant que les professeurs déjà puissent aller dans ce sens-là, vous l'aviez ressenti au vu des questionnaires, du coup. C'était triste. En fait, non, c'est plutôt dans l'entretien qu'on s'en était rendu compte, mais c'était assez subtil, en fait, Oui, surtout. C'était des petites remarques, en d'accord. fait. Ah, Ouais. d'accord. En fait, oui, on s'était beaucoup appuyé sur un livre qui parlait de ça. Et du coup, on avait un peu essayé de reproduire aussi les questions qu'ils faisaient. Et dans nos questionnaires, on demandait aussi à quel point leurs professeurs, donc c'était des élèves qui étaient à ce moment-là en prépa, leurs professeurs les avaient encouragés plus ou moins à aller en prépa. Et on voyait que les garçons avaient été beaucoup plus soutenus que les filles. Et comme disait Sarah dans les entretiens, à l'époque, moi, c'était un ami qui était en prépa et qui disait, oui, moi et un autre ami, on avait été hyper encouragés par la prof de maths à y aller, alors que une fille qui était dans leur classe et qui était la première élève en maths. La prof Ah. l'avait pas trop, enfin lui avait jamais fait de commentaires comme ça. Et lui, a justifié en disant, D'accord. bah en même temps comme elle n'était pas très confiante, qu'elle n'avait pas trop confiance en elle, Ah. peut-être qu'elle s'est dit que c'était pas fait pour elle ou des choses comme ça. Oui, Mais en fait, il y d'accord. a plein de choses où même dès les bulletins scolaires, c'est une fois de plus en fait, c'est des trucs qui sont hyper, on les a intégrés depuis toujours. Et du coup, Oui. typiquement, c'était aussi dans les bulletins, une fille, on va lui Les dire toujours qu'elle commentaires, est ouais. sérieuse. Alors qu'un garçon, on va lui dire qu'il est dissipé, mais qu'il a beaucoup de potentiel, que s'il se concentrait un peu, il y arriverait. C'est jamais les mêmes adjectifs qui sont utilisés pour parler d'une fille ou d'un garçon. Ah, Pour des personnes oui, souvent qui sont à à un niveau profil équivalent égal. aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, ça veut dire que peut-être que les professeurs transposent déjà, enfin, lui prêtent une future soit timidité, soit se disent qu'elle n'aura pas entre guillemets les épaules dans un monde comme ça. Ou... C'est Ouais, ça. c'est malheureux. Et du coup, enfin, vous, enfin, je sais qu'avec Marine, on en a parlé. Tu considères du coup que c'est un peu voilà un formatage qu'on apprend parfois aux filles inconsciemment à se mettre des barrières dès l'enfance, c'est ça? Oui, je trouve Oui. assez. Et moi, pour le coup, j'avais aussi étudié pour un cours aussi en deuxième année où en fait on devait étudier un peu des questions sociologiques. Et moi, j'avais étudié un peu les questions des stéréotypes de genre dès l'enfance. Du coup, on avait avec deux camarades observé une classe, enfin deux classes, du coup, une classe de maternelle. Ils avaient, je crois, 3 ou 4 ans et une classe, du coup, d'enfants de 5 ans. Et pour voir un peu genre comment ils occupaient l'espace, leur comportement les uns envers les autres. Et on avait observé qu'il y avait une vraie distinction aussi dans la façon d'occuper l'espace dans la cour. Les garçons, ils couraient beaucoup, les filles étaient beaucoup plus groupées dans des coins, elles n'osaient pas. Et il y avait ce côté aussi où dans les classes, il y avait aussi un petit peu ces logiques-là d'encouragement plus ou moins fort envers les garçons, les filles, le fait de les mélanger, moins les mélanger. Et c'est vrai qu'entre 4 et 5 ans, on voyait qu'autant à 4 ans, les enfants se mélangeaient tous entre eux, il n'y avait pas spécialement de choses qui se démarquaient, mais qu'à 5 ans, c'est comme si tout était intégré en fait. Et il y avait vraiment Ah, des d'accord. distinctions qui étaient faites, et c'était assez impressionnant à voir parce qu'on l'a ressenti, quoi. Ah On l'a oui, à ressenti, 5 on ans s'est du dit, coup. c'est fou quand même. Ah bah oui, carrément. Marine, du coup, oui, quelque chose à ajouter sur ça, enfin, le fait que ce soit dès le plus jeune âge au final. Oui, en fait, bah, pareil, ça, on en avait parlé dans nos cours en deuxième année, de montrer que dès l'avant-naissance, en fait, de l'enfant, les parents, à chaque fois, se projettent en fonction de si c'est une fille ou un garçon, ils vont pas agir de la même manière. Alors, ça concerne pas tout le monde, hein. Tout ce qu'on dit là, c'est des moyennes. Ouais. Mais il y a des gens qui vont directement se projeter, et dans les études sociologiques, ils montrent que, par exemple, si c'est une fille, la mère va acheter beaucoup plus de vêtements, comme si elle devait absolument la gâter, ou que les gens choisissent des prénoms qui directement vont pas être mixtes. Et après, oui, bah, ça continue dans Il y la a cour aussi les couleurs. d'école. On n'a pas la même, ouais, c'est ça, on n'a pas la même manière d'éduquer une fille ou un garçon, au niveau de la manière dont on s'adresse à lui ou à elle. Des habits, des jouets qu'on va lui offrir. Et même quand les parents réussissent à le faire, je pense que l'école derrière, ça c'est compliqué aussi parce que c'est le nouveau lieu de socialisation, et il y a des nouvelles normes que l'enfant il intègre. Et donc je pense que c'est ce que dit Sarah, quoi, que en fait quand il commence à intégrer qu'il y a une distinction entre la fille et le Ah oui. garçon, et les filles se mettent à l'écart. Et je sais plus Ils qui m'a raconté reproduisent. ça. Ouais. C'est ça, Oui, exactement. je vois à quoi tu penses, Marine, pour le coup. À quelle Je histoire tu sais penses, du coup? plus. Ouais, quelqu'un qui a. C'était des parents qui avaient élevé leur petite fille vraiment dans une idée Neutralité, un peu. d'égalité des sexes et que ça, voilà, de neutralité totale. La petite fille aimait pas spécialement le rose ou les robes ou les trucs comme ça, parce qu'elle avait pas. Enfin, elle pouvait en porter, mais comme elle pouvait Ah porter des oui, habits qui seraient plus elle garçons, choisissait en fait, ouais. stéréotypés garçons. Et D'accord. une fois qu'elle a été à l'école, quelques mois après, etc., elle a plus voulu que des habits roses. Parce que à D'accord, l'école, par en fait, les petites filles mimétisme. étaient beaucoup plus sur, c'est ça, beaucoup plus sur le rose. Et en fait, c'est aussi une façon de s'intégrer dans le groupe, quoi. Bien Si toi, tu sûr. suis pas les normes, tu vas te faire Il y a une mise exclure. à Et l'écart, ça, ouais. dès l'enfance, on le sent. Mais c'est pour Oui. ça que c'est un peu systémique, parce qu'il y a les rappels du groupe pour les ramener dans la norme, en fait, dans un sens. Même que ce Ah soit oui. direct ou un peu indirect, surtout par rapport aux enfants, je pense que l'école, c'est vraiment un agent de socialisation qui est vraiment assez fort, pour le coup, pour ça. Sans que ce Ouais, soit ouais, ouais. forcément directif, quelque chose de un ordre, mais c'est subtil, quoi. C'est ce qu'on Oui, avait c'est aussi beaucoup vrai. étudié en cours, oui. D'accord. Oui, donc c'est dès ce moment-là qu'il faut agir. C'est aussi pour ça qu'il y a eu récemment des lois sur la disposition des jouets, les packagings dans les magasins, le fait de rendre ça plus mixte pour déjà moins induire ce genre de distinction au final. Ouais, c'est Ouais. intéressant. On va écouter Cricri qui rebondissait par rapport à tout à l'heure. D'autant plus tant que ce sont les anciennes générations qui sont aux commandes de ces entreprises, en fait, et qui, elles, n'ont pas évolué aussi vite. Ah oui, donc oui, parce que on parlait du fait que des hommes n'assument pas forcément en entreprise de prendre du temps pour s'occuper de leurs enfants. Et oui, du coup, forcément, les générations vieillissant, enfin, la nouvelle génération va être un peu plus souple vis-à-vis de ça dans quelques Ouais. années, etc. Donc c'est sûr que ça va aller en s'améliorant. Puis on nous parle assez régulièrement de l'exemple des pays du Nord, comme tu disais, Marine. Donc ça, c'est une bonne chose qui est, entre guillemets, un petit exemple sur le sujet, pas si loin de chez nous. Et comme on Oui. évoquait les enfants, est-ce que, Marine, si tu as des enfants plus tard, par exemple un garçon ou une fille, est-ce que toi, tu penses avoir une approche particulière? Tu as déjà réfléchi, par exemple, à ça ou pas encore? J'ai déjà réfléchi. Je pense que je serais pas la personne la plus vertueuse, mais je vais essayer de faire des efforts sur bah, les habits, la couleur de la chambre, je sais pas, ou les jouets et tout. Enfin, moi, je veux que mon enfant puisse s'épanouir, fille ou garçon. Et je pense que justement, je vais avoir tendance, si c'est une fille, à essayer de lui donner plus en lui disant, mais si tu y arrives, t'es aussi, t'as Ah autant de oui. valeur que peut avoir un garçon. Par contre, là où, enfin, par exemple, je disais tout à l'heure que les prénoms ne donnaient pas de prénom mixte, enfin, ce sera le prénom qui me plaît, donc je chercherai pas. Je pense qu'il y a des gens qui Oui. sont plus engagés, qui se disent je veux un prénom mixte, comme ça, Ouais, directement, je par montre principe qu'elle déjà, peut pour choisir aussi revendiquer. son identité derrière. Donc, Oui. voilà, mais déjà Ouais. essayer de faire des choses, mais. Voilà. Mais c'est une question que tu te poses parfois ou Bah, pas tant que ça, c'est pas oui. le central. Bah, si, quand je pense à le fait d'avoir des enfants plus tard, si c'est une question, comment est-ce que je vais les éduquer, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, et puis parce qu'après, il y a toute Pour la améliorer question les aussi. En choses, fait, le ouais. problème, c'est toute la norme sociale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'école, c'est que on n'a pas envie non plus que son enfant se fasse rejeter derrière parce qu'on lui a donné d'autres normes que la norme qui est valorisée et qui est majoritaire dans Oui, la société. c'est sûr. Oui, il faut un Mais en même temps, équilibre. c'est seulement en faisant un petit peu ça qu'on réussit à changer des choses au fur et à mesure à notre échelle, quoi. Donc, C'est vrai, si tout le bon, monde je sais signait. pas. Ouais, mais oui, ça te préoccupe déjà. Tu estimes que c'est déjà un premier pas pour peut-être changer un Ouais, peu les je pense choses que petit c'est à petit. important. Ouais. Ouais, bah Sarah, comme on toi, vient de ouais. faire le Ah. constat, pardon, comme on vient de faire le constat que c'est dès la petite enfance que Bah les oui, choses se ouais. créent, je pense que c'est important d'agir là. Sarah, toi, ça t'as déjà pensé à ça, bah, notamment suite à vos cours, ou tu penses plutôt au monde adulte en Ben, pour priorité? le coup, oui. Parce que c'est vrai que justement, avec les cours qu'on a et tout, ça fait que ben, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup parfois entre nous, parce que forcément, c'est des cours qui nous font beaucoup réfléchir. Et moi, je me suis déjà justement posé la question et je me disais un peu la même chose. Autant le prénom, c'est vrai que c'est un peu une question de voilà, j'aime beaucoup ce prénom, je veux ce prénom, c'est vrai, j'aurais. Ça dépend peut-être prénom mixte, ça peut sur le moment que je me dirais ça et tout. Mais c'est Ouais. vrai qu'autant, genre, la question des couleurs, des jouets, de l'encouragement, par exemple, permettre à un garçon de dire que c'est être sensible, ben, il n'y a rien de mal, qu'il ne faut pas être juste Oui. fort. Et aussi une fille qu'il faut voilà, croire en elle et qu'elle peut aller loin et qu'elle a autant de droits qu'un garçon, tout ça. Mais après, c'est vrai que je sais pas voir comment ça va dans le futur, mais j'espère, en gros, essayer de transmettre un peu ces valeurs d'égalité. Le fait qu'on est tous pareils, qu'on voit tous la même chose, et plus tard à l'enfant que j'aurai. Enfin, j'espère qu'en tout cas, il le recevra comme ça, quoi. Et oui. Ouais, mais déjà, oui, en se posant les questions en amont, ça permet après de ne pas débarquer, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui réfléchissent pas à cette problématique-là avant d'avoir à éduquer des enfants, du coup. Et on va voir qui est avec nous. Donc Morgane, Louis, Cricri, Claire, Sophie, Astrée, Léa Carbo, salut les filles, Andrea. Oreo Queen, bonsoir. Chers auditeurs, dites-nous du coup si vous, vous aviez conscience de cela, le fait que ça se joue dès l'enfance finalement inconsciemment. Et maintenant, on va un peu centrer sur la beauté. Voilà, on va en parler sous le prisme beauté cosmétique. Toi, Marine, en tant que consommatrice, tu trouves qu'il y a des inégalités aussi côté beauté? Qu'est-ce que tu en penses? Dans les produits que j'utilise tous les jours, j'ai entendu parler de la taxe rose, mais je sais, j'ai pas fait attention plus que ça. Après, je pense que Sarah pourra mieux en parler que moi avec son sujet de mémoire, mais c'est plus dans le marketing des produits où je trouve que là, il y a une différence et où on féminise beaucoup les produits dans les packagings, etc., pour montrer à Oui. qui c'est adressé. Ouais. Et du coup, est-ce que tu trouves que les marques de cosmétiques ou de luxe ont tendance à alimenter les inégalités, justement dans leur approche marketing, dans leur publicité? Avant que Sarah te parle, du coup, peut-être de ça, de sa problématique. bah oui, quand même. Peut-être que ça évolue parce que la société évolue aussi, mais ça remet quand même beaucoup les stéréotypes féminins classiques, quoi. Soit de la femme qui prend beaucoup soin d'elle, enfin, par exemple, là, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, les pubs pour les savons. Régulièrement, on va voir le corps nu de la femme. Il n'y a jamais une Ah pub oui. pour le savon qui sera pour l'homme, alors qu'a priori on se douche avec la même chose, ou à peu près. Et si il y a une pub là-dessus, je pense pas qu'on verra son corps. Ou... Enfin, il y a toujours l'idée de la féminité parfaite qui est toujours hyper Oui. mise en avant, ou alors de, en effet, ouais, la femme qui va s'occuper. De l'enfant. Donc là, si c'est plus pour les produits pour bébé, ce sera directement adressé aux femmes, pareil, et ce sera pas adressé à l'homme, alors qu'il y a des choses qui a priori il peut Ouais. faire. Oui. Donc ouais, je pense que ça, en Oui, fait, ça tout continue de ça véhiculer alimente. tous les stéréotypes, quoi. Ouais. Oui, heureusement, il y a des marques du coup qui essayent de s'emparer voilà, de ces sujets pour un peu casser ces codes-là, mais dans l'ensemble, ce sont les codes actuels, c'est vrai. D'accord. C'est ça. Alors du coup, ça nous permet de rebondir sur ce fameux mémoire Sarah. Tu nous as expliqué ta thématique. Avant, on va juste écouter Louis qui intervient. Alors Merci moi Louis. je donne mon avis dessus. Pour le coup, je pense que bah dans les cosmétiques, on est un peu obligé de viser une catégorie de personnes, que ce soit une femme ou un homme, etc. On est obligé de faire des choses qui sont ciblées. Donc après, être féministe ou pas féministe, féministe, pardon, je pense que ça a peut-être certes, oui, un lien, notamment vis-à-vis de ce qu'on parlait tout à l'heure, des publicités, etc. Mais j'avoue que je ne sais pas trop finalement quoi en penser, parce que les pubs pour hommes, on pourrait dire qu'elles sont hyper sexualisées au niveau masculin aussi, on montre que des hommes très musclés, etc. Pareil pour les pubs pour les femmes, on montre des femmes très très très fines, hyper sexualisées, etc. Donc après, c'est au niveau de l'approche marketing, je pense qu'il y a du travail à faire. Oui, toi, Louis, en Totalement fait, d'accord. tu... Grave. Ouais. Louis, tu trouves que en tant qu'homme, les publicités qui te ciblent, tu vois aussi beaucoup de corps nus, etc., dans tout le domaine de la beauté. Donc, tu estimes que c'est quand même assez présent aussi pour la clientèle masculine, finalement. Mais je crois que dans l'ensemble, en tout cas, quand il y a des produits un peu plus neutres, on va plus souvent voir un corps de femme, par exemple, qu'un corps d'homme, disons statistiquement. Alors que parfois, on peut se demander si c'est vraiment pertinent. Et du coup, Sarah, justement, est-ce que tu as trouvé un peu quelques pistes de réponse lors de tes recherches? Raconte-nous. Ben, du coup, quand j'ai parlé à ma directrice d'ailleurs à ma directrice de mémoire de mon idée, elle trouvait justement le sujet très intéressant, surtout la question de mettre en perspective les stratégies marketing, mais aussi la réception des consommateurs, pour voir en gros qui sont, est-ce que c'est forcément nous les cibles, est-ce que le message qu'on nous envoie, on le reçoit correctement, Est-ce qu'il y a un peu une sorte de gap, justement? Et elle Ah m'avait oui. fait une remarque que j'avais pas forcément d'accord, et c'est là que je me suis dit que peut-être que je ne recevais pas les messages correctement. C'est qu'elle m'avait dit que les marques actuellement mettaient beaucoup plus en avant une image de la femme indépendante dans les pubs de parfums, les hommes étaient beaucoup là, elles étaient beaucoup moins inférieures un peu. Il y avait une Ah. question d'indépendance qui se mettait en avant, et que justement D'accord. la sexualisation peut-être diminuait un petit peu. Moi, en même temps, je n'avais pas cette impression avec des pubs vraiment récentes que j'avais vues. Mais en même temps, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être une piste intéressante d'étudier ça aussi, voilà. De voir un peu l'évolution entre des pubs anciennes et des pubs récentes. Parce que c'est vrai que j'ai vu des exemples de publicités qui m'ont beaucoup choquée. Il y a des publicités qui étaient... On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui, en fait. Du coup, je me dis, Ouais. bon, déjà, il y a un petit mieux qui se passe parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus jamais voir. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a toujours du travail à faire, et je ne sais pas si les marques prennent vraiment bien cette question, si elles la traitent forcément bien tout le temps, en fait. Parfois, il y a des petits Ah ratés, oui. j'ai l'impression, voilà. D'accord. Oui, ce que tu nous disais un peu quand on préparait l'émission, c'est que elles peuvent se reposer sur leur laurier en finalement imitant un peu les codes des concurrents sans spécialement essayer de sortir des sentiers battus, quoi. Parfois, on a un peu l'impression que c'est un peu à la mode. C'est comme, voilà, pendant très longtemps, il y a une certaine. Les pubs se ressemblaient beaucoup sur ces questions-là. Et quand le changement a eu lieu, un petit peu, c'est dont elle me parlait, la directrice de mémoire, ben, elle me l'avait dit, et c'est vrai que moi aussi, quand j'ai réfléchi un petit peu, c'est vrai, il y avait un côté où toutes les marques d'un coup ont fait pareil, en fait. Et du coup, est-ce que c'est vraiment une prise de conscience, ou est-ce que c'est juste le monde a changé, on doit au moins un minimum Ouais. s'adapter, mais est-ce qu'on s'adapte bien, en fait? Ouais, d'accord. Est-ce que c'est superficiel ou C'est vraiment une adoptent réflexion, en vraiment de fait. nouvelles valeurs? Ah oui. Donc là, ton projet, c'est finalement d'interroger un maximum de consommatrices, du coup, pour voir par rapport à certaines publicités, quelle est leur perception et si elles se sentent concernées. Oui, voilà, c'est ça. Et je vais essayer d'aller dans des profils socio-économiques un peu différents, enfin, des âges différents, de voir des pubs, par exemple, plus pour adolescents qui ciblent vraiment les adolescentes. Mais aussi des pubs plus de luxe, par exemple, qui peuvent cibler une classe d'âge, ou aussi voilà, des personnes qui ont peut-être plus de moyens, pour voir un peu si c'est un peu ça concerne un peu toutes les pubs, ou si peut-être c'est différent pour certaines. Je Ouais. voulais rester un petit peu large parce que je trouvais ça dommage de se cantonner à un seul genre, un peu, en fait, hein, enfin, un seul public. Oui, c'est vrai, pour vraiment avoir une approche globale et voir Oui, voilà. si tous les segments de consommateurs sont concernés ou pas. D'accord, bon bah du coup tu as combien de temps pour réaliser ce travail? Du coup, j'ai toute l'année pour le réaliser. On doit les D'accord. rendre vers le mois de mai, je crois. Ok, bon bah j'espère que tu pourras déjà nous envoyer pourquoi pas les questionnaires et nous raconter Avec un peu plaisir. tes résultats après. On va écouter Eric Cococo qui intervient. Salut Eric. Bonsoir, ça va les femmes? Bonsoir Érico, tu voudrais qu'on parle aussi de la discrimination canine, peut-être? Ce sera le sujet d'un prochain live, pourquoi pas? Alors du coup, question suivante, est-ce que Sarah, tu pourrais, c'est les questions un peu incontournables de beauté imaginée, est-ce que tu pourrais nous faire rire, pourquoi pas, si tu avais une erreur cosmétique que tu as faite un jour, ce serait le moment de nous raconter ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Une erreur cosmétique. Après, moi, c'est vrai que tout ce qui est maquillage, je m'y connais vraiment peu. Je découvre vraiment des produits un peu au quotidien, que ce soit Ouais. les masques, les crèmes de jour. J'ai jamais, moi, c'est vrai qu'après toutes ces questions-là, j'ai toujours du mal parce que je fais vraiment très en surface. C'est beaucoup D'accord. le rouge à lèvres, un peu les yeux. D'accord. Tu t'es jamais trompé en utilisant un produit de beauté? Non, je crois pas pour le coup. Mais Ah, parce que je bien reste vraiment joué. très en surface, vraiment. Du coup, je sais un peu ce que j'utilise, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah, tant mieux pour toi, parce que en général, les invités ont toujours un petit échec à raconter. Et du coup, tu restes en surface, ce serait quoi ton produit de beauté un peu incontournable en ce moment? Le rouge à lèvres. D'accord. Ou sinon un petit Ok. peu l'eyeliner, c'est vrai, un peu les deux. Ah bah quand même, ça, c'est quand même déjà une panoplie intéressante. Marine, toi, c'est quoi ton produit incontournable ces temps-ci? Ces temps-ci. Avant, ça aurait été le rouge à lèvres, mais depuis le Covid, comme on a tout le temps des masques, je n'en mets plus. Ouais. Qu'est-ce que ce serait? C'est une crème, parce qu'en ce moment, ma peau, toujours à cause des masques, est un peu cata, qui fait un peu, qui unit le teint, moins qu'un fond de teint, mais qui unit un petit peu. Et en fait, c'est une crème anti-bouton en même temps, anti-acné. Du coup, ça agit D'accord. sur la peau pendant la journée. Donc en ce moment, c'est ma base. D'accord. Tu peux nous dire la marque du coup? Oui, c'est La Roche-Posay. Je suis en train D'accord, de donc regarder. tu en es contente. Ok. Ouais. Bon, ça va. Et Sarah, toi, la marque de ton rouge à lèvres, par exemple, tu en as peut-être plusieurs. Ben, moi, j'aime beaucoup un rouge à lèvres que Marine, des copines, m'ont offert récemment, qui vient de chez D'accord. MAC, du coup. Je trouve que D'accord. vraiment ils tiennent bien et tout, c'est vraiment vraiment de très bonne qualité. D'accord, Mac, hein, t'as dit, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, maintenant, on passe à la rubrique Les auditeurs vous imaginent. Chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté mes invités, puisque l'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. On a deux caractéristiques concernant mes belles invitées à vous faire deviner ce soir, à vous faire imaginer. Alors, pour Marine, vous aviez déjà deviné son âge à l'époque. Vous aviez aussi deviné le fait qu'elle passait environ 30 minutes dans sa salle de bain pour se préparer le matin. Ce soir, on voudrait vous faire deviner concernant Marine la destination de voyage qui l'a le plus marquée et le sport extrême qu'elle a déjà essayé. Selon vous, dites-nous, est-ce que ce que Marine nous a raconté vous inspire quelque chose? Et concernant Sarah, les deux infos à deviner, c'est son âge et le métier qu'elle voulait faire quand elle était enfant. Donc, je vais réécouter Eric Coco. J'espère que vous allez bien. Moi ici, je lis un livre de Charles Darwin, L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Waouh! D'accord, Eric Coco, donc c'est pour ça que les animaux t'intéresse en ce moment suite à la lecture de ce livre. Dis-nous, Eric Coco, si tu as des idées concernant donc Marine pour la destination de voyage qui aurait pu le plus la marquer, le sport extrême qu'elle a déjà essayé. Et concernant Sarah, est-ce que tu as une idée de son âge et du métier qu'elle voulait faire quand elle était enfant? On va voir les propositions. Et je vais voir qui nous écoute. Morgane, Claire, Sophie, Astrée, Andrea, Louis, Eric Coco, Cricri, Céline. Bonsoir Céline. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez suite à ce que mes belles invitées nous ont raconté, à leur voix aussi, qu'est-ce que ça vous inspire? Cricri. Sarah, je dirais 21 ans pour l'âge et le métier, je dirais institutrice. D'accord. Astrée. Je pense que Sarah voulait être vétérinaire. Ah. Et son âge, je pense qu'elle a au Salut pif comme Sarah. ça 21 ans. Ok. Vétérinaire. J'aurais dit ça pour Eric Coco, pourquoi pas, mais ouais. Astrée encore. Et Marine, sa destination qui l'a plus le marqué, je dirais le Mexique en espérant qu'elle y est vraiment allée. Je ne sais pas trop. On va le savoir dans un instant. Léa Carbo. Moi, je dirais qu'elle a entre 20 et 22 ans. Et donc pour Sarah et pour Marine, la destination, peut-être le Guatemala. D'accord, Guatemala. Louis. Alors, destination de voyage, moi je dirais la Thaïlande et le sport extrême. Je sais pas, je dirais un sport d'hiver. Je sais pas, du snowboard peut-être. Snowboard, d'accord. Eric Coco. Moi, je dirais que Sarah voulait être, comment ça s'appelle, comportementaliste canin, canine. Ah, après vétérinaire, comportementaliste, canin. D'accord, on reste dans le thème. D'accord, Louis. Et pour l'âge de Sarah, je pense qu'elle a 22, 23 ans. et étudiante pour le coup, en métier, je pense. Et tu fais peut-être un job à côté, je sais pas. Donc voilà. Ah, en fait, Louis, ce qu'on fait deviner, c'est le métier que Sarah voulait faire quand elle était enfant. En effet, tu as bien suivi, elle est bien étudiante en ce moment. Et est-ce que tu as une idée sur le métier éventuellement qui lui donnait envie pendant l'enfance? Cri-cri. Marine, la destination, j'aurais dit le Brésil. Et le sport extrême, parachutisme. D'accord. Eric Coco. Je viens d'arriver, donc voilà, je sais pas de quoi vous parlez. Oh, mais merci de participer, c'est marrant d'avoir des... Quel âge tu donnes à Sarah et Marine en ayant juste écouté leur voix? C'est un peu ça, l'idée. Et Louis? Du coup, pour le coup, je dirais policière ou infirmière, peut-être. Infirmière. Bon, bah c'est rigolo. Du coup, tu as peut-être des projets de reconversion avec tout ça, Sarah, qui s'ouvre à toi. Et Marine, je crois que c'est l'Amérique latine hein, qui a été la plus citée. Ouais. Et j'ai une dernière réponse d'Eric. Je dirais Sarah, même âge que moi, 30 ans. Et Marine, je sais pas, il faut que je réécoute sa voix. Alors, du coup. Les filles, on va commencer peut-être par Marine. Ah, attendez, excusez-moi, Eric. Oui, voilà, donc je viens d'écouter sa voix, je dirais 25 ans. 25. Ok. Donc 30 pour Marine et 25 pour Sarah. Dites-nous tout, Marine, inverse, peut-être pour commencer. Du coup, voilà. Je crois que c'était l'inverse qu'il avait dit pour les âges. Toi, c'est 25 ans et Sarah, 30 ? Et il a donné... Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ok. Alors, Marine, ta destination de voyage, ton âge déjà, rappelle-nous. Oui. Alors, pour l'âge, 21 ans. Et pour la destination de voyage, alors toutes les personnes qui étaient en Amérique latine n'étaient pas loin du tout. Je n'ai pas fait le Guatemala, donc ça ne peut malheureusement pas être ma destination préférée. Mais j'ai été au Mexique et au Brésil et j'ai hésité entre ces deux destinations pour dire laquelle m'avait le plus marqué. Donc je donne le point aux personnes qui ont répondu, mais je répondrai quand même le Mexique. Je pense parce que c'était vraiment la première fois que j'allais faire un voyage si loin et dans une culture si différente de la nôtre. Et c'était hyper dépaysant et je sais pas, ça m'a fait revenir un peu plus. Humble aussi, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'était vraiment des basiques. Ouais, de ce qu'on a, et c'est ça. Donc, donc voilà, pas partout, mais bon, au Mexique, il y a des choses où c'est pas toujours hyper facile, et encore, j'avais été dans la région très touristique, donc c'est pas les endroits où c'est le plus compliqué, mais voilà. Et puis, il y avait toute la culture aussi des Mayas avant, enfin. C'est hyper passionnant de voir tous les sites archéologiques, les pyramides et tout. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ok, donc c'est vraiment l'endroit à ne pas rater pour toi. Ouais, et puis les gens étaient très gentils. Enfin, il faut parler espagnol pour qu'ils soient gentils avec vous. Ah, parce d'accord. Parce que quand on parle anglais, ils pensent qu'on est américain et ils n'aiment pas trop les Américains. Ah, mais ma sœur parlait super bien espagnol et du coup, les gens adoraient en fait parce que c'est comme nous, quand quelqu'un parle français d'étranger, on a l'impression que les gens s'intéressent à notre culture. Oui. Enfin, ça facilite l'échange. Donc, c'était super chouette. Ouais. Voilà. Ah, ok. Génial. Avant que tu nous révèles le sport, on écoute les deux autres commentaires d'Eric. Et Marine, pour la destination du voyage, je dirais l'espace, la galaxie. L'espace. Oui, il paraît que ça va se démocratiser. Si j'ai bien suivi, il y a eu un premier vol pour des personnes qui n'étaient pas astronautes, donc peut-être comment ? Oui, pour des touristes, oui. Oui, voilà. Mais je pense que j'ai pas encore les moyens. Ouais. Financiers. Ouais. Bon, peut-être que ça va peut-être se faciliter dans les prochaines dizaines d'années. Je pense que tout le monde est rêveur, rêveuse de cette destination. Qui est l'espace, la galaxie, les étoiles. Ouais, moi personnellement, ça m'angoisserait complètement d'être enfermée dans une petite, comment on dit, capsule dans l'espace. Mais bon, Ah ouais, ça ouais. rendrait Oui, plus moi confortable, je aussi. pense quand même. Ah Aussi. voilà, ouais. Il y en a qui sont fascinés. Donc, c'est sûr que quand on commence à réfléchir, ça donne un peu le vertige. Alors, en parlant de vertige, c'est quoi le sport un peu extrême que tu as pratiqué? Alors, le sport extrême, bah, Cricri était pas loin, disons le parachute, parce que c'était le parapente. Ah Donc, ouais. je pense que c'est légèrement moins impressionnant que le parachute, mais c'était déjà pas mal. C'était en Turquie, sur la côte au sud de la Turquie, et du coup, on est monté en voiture tout en haut d'une montagne. Moi, je déteste les routes de montagne déjà. D'habitude, mais alors D'accord. là c'était terrible, la route était hyper stressante, et puis tu vois que tu montes, et puis ensuite Ouais. en haut on t'équipe, et puis donc t'as une falaise quoi, et là on te Ah dit là là. vas-y, cours, comment Ah ça, là non, là. non, non, non, et comme t'as le Ah moniteur oui. qui est derrière toi, bah tu cours avec lui, tu te laisses aller, et puis là tu sautes dans le vide, mais c'était vraiment génial, magnifique, en plus du coup, comme c'était au bord de mer, bah tu sautes d'une montagne, tu tournes autour de la mer, t'atterris sur la plage, enfin, c'est assez idyllique. Ah oui. Ah Une ouais. très belle expérience aussi. Ah ouais, j'imagine. C'est vrai j'avais pas réalisé qu'il y a une énorme montée d'abord pendant laquelle tu angoisses. Tout comme le parachute, du coup, tu as bien le temps de réaliser. C'est pas, ça se fait pas en une minute. Ah là C'est là. ça. Chers auditeurs, si vous voulez découvrir la photo mystère de Marine ainsi que la photo de sa salle de bain, direction Instagram, beauté imaginée, sans accent, tiret du 8, entre les deux mots. Sarah, maintenant, dis-nous ton âge déjà. Donc, 30 ans. Non, ça me fait rire parce qu'habituellement, on me dit que je suis plus jeune que mon âge. Et là, D'accord. qu'on me dise quasiment 9 ans de plus, j'ai trouvé ça assez énorme. Et du coup, j'ai bien 21 ans comme certaines personnes l'ont deviné. D'accord. Mais ça m'a surpris qu'on me donne un âge plus âgé. Ça se trouve, ma voix, finalement, ça me vieillit plus que mon visage. Bah, en fait, comme t'as l'air assez à l'aise avec les thèmes dont tu as parlé, ça vieillit toujours un peu ça. Ah, ça doit être ça, peut-être. Et du coup, pour le métier que je voulais faire petite, personne n'a réussi à trouver. C'est très Ouais. drôle les idées qui ont été évoquées parce qu'il y a des questions que j'ai déjà évoquées, comme le fait d'être policière, mais on m'a vite Ah oui. dégoûtée. Ah. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, vraiment petite, vers 7 ans, moi, il y avait deux métiers qui m'intéressaient vraiment beaucoup, beaucoup. Je voulais soit être avocate, soit je voulais être Ouais. justement. Originale, la première femme présidente de la République. J'étais très Eh motivée à oui. l'époque. Ah ouais. Et donc c'est génial puisqu'on est en plein dans le thème, voilà, féminisme dès l'enfance du coup, vraiment la boucle est bouclée. Et finalement, qu'est-ce qui t'a, c'est des professeurs qui ont pas mis les bons commentaires dans tes bulletins et qui t'a dit ou quoi? Non, c'est plus qu'après, ben, il y a d'autres questions qui m'ont intéressée. Et je me suis dit, ah ben ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, surtout pendant l'élection présidentielle, j'étais vraiment genre, j'étais à fond pour mon âge. Je me Ah oui. renseignais, je voulais voter. Et je me disais un jour, ça sera Ouais. moi. Du coup, finalement, Oui. non, je pense pas, mais c'était marrant quand même, petite, quand on m'avait Bon, calculé. la vie est longue, hein, qui sait, souvent la moyenne d'âge des présidents jusqu'au dernier, elle était quand même C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je assez suis toujours être la élevée. première, hein, parce que pour Ouais. l'instant. L'exploit n'a pas encore T'as, été réalisé en France. voilà, t'as 30 à Espérons qu'il 40 ne le soit ans. pas. C'est vrai, vu les candidats, oui. Et du coup, quel est maintenant le poste que tu vises après tes études? Du coup, moi, j'aimerais beaucoup travailler dans le milieu de l'édition et faire de la communication, du coup. Et Ouais. justement, en ce moment, je cherche des personnes, si jamais dans ce. Dans cette, dans ce podcast, qui Assemblée. travaille dans ce milieu, ça m'intéresse. Pour faire D'accord, donc tu as l'entretien. dit communication édition. Oui. D'accord, ok. Et c'est pour, tu dois trouver un stage pour quand du coup? Pour C'est pas le tellement pour deuxième trouver un semestre. stage, c'est qu'avant la fin, enfin avant la fin du semestre, je dois interroger une personne qui fait un métier qui m'intéresse. Dans la Ah, perspective d'accord. peut-être d'avoir un contact, sauf que pour un cours, sauf qu'en fait c'est très difficile de trouver, c'est des milieux qui sont assez fermés, À part envoyer des mails pour postuler un poste, on ne peut pas tellement contacter des gens et... ou même trouver les noms. Du coup, j'espère que LinkedIn va m'aider parce que jusque-là, par la bouche à oreille, c'est très compliqué. Ah oui, je vois. D'accord. Bon, bah, bonne chance. je n'ai aucune piste à te proposer, navrée. Je passe en revanche tout de suite ta photo mystère sur Instagram. Donc, vous pouvez découvrir la photo mystère de Sarah ainsi que son étagère de produits de beauté, beauté imaginée sans accent, tiré du 8 entre les deux. Très bien, bah, on va passer au petit quiz. Je voulais quand même demander, Marine, toi, tu veux toujours travailler en lien avec l'environnement, toujours d'actualité? Oui. Oui, oui, toujours. Je fais mon master là-dedans. Donc, Comment il s'appelle, ton master? Alors, ça s'appelle Politique, écologie et soutenabilité. D'accord. Donc, voilà. Et je voudrais plutôt travailler dans le... Je pense soit dans des collectivités territoriales, soit dans du conseil, plutôt en urbanisme ou sur les questions de mobilité. Pour l'instant, en tout cas, c'est l'idée. D'accord. Très, très pointu. Eh ben, bonne chance également. En attendant, nous allons passer au petit quiz vrai-faux concernant notre thème du jour, les inégalités en cosmétique et principalement la taxe rose. Vous avez tapé taxe rose sur Google, vous avez un peu triché ou pas? Moi, j'ai un peu triché, mais j'ai vu que la page Wikipédia et ça ne disait pas grand-chose. Ok, d'accord. Alors, et toi, Sarah? C'est vrai que moi aussi, pour le coup. Bon, on va voir ce que ça a donné. Chers auditeurs, n'hésitez pas à participer. C'est rigolo quand vous vous lancez aussi. Claire, Astrée, Andrea, Eric Coco, Cricri, Léa Carbo, Patrick Monteau, salut. Louis, en presse official. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Première question. Quelle est, selon vous, la source de l'expression « taxe rose » ? C'est une adaptation française de la « woman tax ». C'est le lancement d'une pétition en France suite à la découverte de rasoirs hommes et femmes à prix différents. C'est l'appellation gouvernementale de la secrétaire d'État aux droits des femmes suite à la publication d'une étude sur le sujet des inégalités entre les produits de beauté côté prix. Qu'en pensez-vous, Sarah, Marine ? Je crois que l'exemple dont tu as parlé par rapport au rasoir, j'en ai entendu parler en cours, on en a parlé un petit peu. C'était pas le fait qu'ils avaient fait des pubs extrêmement genrées par rapport. Voilà, c'est ça, voilà, justement, que justement, elle était plus chère, je crois. Genre, que les rasoirs pour les femmes étaient plus chers que pour les hommes, alors que c'était littéralement le même produit qui avait juste une couleur différente, il me semble. Donc, pour toi, ce serait la deuxième affirmation qui serait la bonne. Lancement d'une pétition en France suite à la découverte de rasoirs hommes-femmes à prix différents. Ce serait celle-là, du coup. Bah, pareil, la source de l'expression taxe rose. Alors, ça me surprendrait pas parce qu'il paraît que ça avait vraiment fait beaucoup polémique. Que ça avait beaucoup choqué. Ok. Marine, t'en penses quoi ? La source de l'expression taxe rose. Je vais être très honnête et dire que comme j'ai triché, je pense que c'est la première réponse. Et si c'est bien ça, en soi, c'est pas si étonnant parce que toutes les questions de féminisme et tout, et c'est pas étonnant que ça vienne du monde anglo-saxon. Je sais pas si c'est les États-Unis, mais si c'était les États-Unis, ça m'étonnerait encore moins plutôt que le Royaume-Uni. Donc voilà, je dirais la proposition 1. D'accord. Voyons voir si nos auditeurs sont d'accord avec vous. Louis. Alors moi, je dirais pour le coup que c'est la woman tax. Claire ? Je dirais la dernière réponse. Salut Claire, merci de participer. Cricri ? Je dirais la première réponse, moi. Ok, merci à tous les trois. Du coup, vous êtes deux à penser comme Marine. Et personne n'est d'accord avec toi, Sarah ? Si j'ai bien suivi. Et bien pourtant, c'était bien Sarah qui avait raison sur le coup. Il y a bien l'expression américaine « woman tax » qui existe, mais c'est une expression qui est née dans les années 90, en effet, aux États-Unis. Et finalement, l'expression « taxe rose » est apparue en 2014 lors du lancement d'une pétition par le collectif George Sand, ce collectif avait en effet dénoncé des prix différents entre les rasoirs roses et bleus, totalement identiques par ailleurs, chez Monoprix. Et c'est donc en fait une taxe invisible, officieuse, la taxe rose. Donc, c'est pas totalement faux, la première affirmation que ça vient de l'expression woman tax, parce que ça s'en est inspiré, mais la vraie source a été le lancement de cette pétition. Ok. Eh ben, je vais arrêter de tricher, coup... ça ne sert à rien. Et du coup, en fait, de base, c'est classique de différencier des produits pour hommes, de les différencier de ceux pour femmes. C'est très courant, ça relève du marketing appelé genré, différencier genré. Et théoriquement, le principe, c'est de segmenter son marché de consommateurs en petits groupes selon leurs besoins, puis de choisir de cibler un de ces petits groupes de consommateurs et de lui proposer un produit sur mesure, personnalisé, qui va vraiment répondre aux attentes de ce groupe de clients-là. Et avec cette notion de taxe rose, ce qui est dénoncé, c'est que les produits n'ont aucune différence, si ce n'est la couleur, et pour autant, le prix diffère. Donc, c'est ça qui a pu choquer, en effet. Alors, pour l'instant, nous avons donc un point pour Sarah et pas encore pour Marine. Deuxième affirmation. Les produits typiques qui ont été mis en avant pour avoir un prix plus élevé quand ils étaient vendus aux femmes étaient les rasoirs, les brosses à dents et les dentifrices. C'est les trois produits dont on a énormément parlé lors de ce scandale finalement de la taxe rose. Pendant que vous réfléchissez, je joue le message de Louis. Du coup, ma question est du coup peut-être un peu pertinente. Les gens comme moi qui sont maquilleurs et qui achètent énormément de maquillage, etc., et de produits cosmétiques pour les femmes, du coup, nous aussi, entre guillemets, on aurait cette taxe rose. Donc, la taxe rose serait finalement destinée que aux produits féminins, entre guillemets, genrés, niveau marketing. Alors oui, si un homme achète du coup des produits pensés au départ pour cibler un segment de femmes, il subit aussi cette taxe-là, ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que du coup, Louis, pour toi, c'était les rasoirs, les brosses à dents et les dentifrices qui étaient vendus enfin, évoqué dans ce scandale de la taxe rose. Les filles, alors, vous en pensez quoi? C'est vrai ou faux pour vous? Moi, je pense que c'est vrai. Alors, désolée, c'est Sarah qui pense que c'est vrai? Oui, c'est Sarah. OK. Marine, les rasoirs, du coup, c'est sûr. Les dentifrices et la brosse à dents, je ne vois pas tant que ça pourquoi. Mais en même temps, je n'ai pas d'autre idée, donc je vais dire vrai aussi. Ok, on va voir si les auditeurs Cricri et Louis sont d'accord. Et Claire aussi, Cricri. Je dis vrai. Donc, Cricri est d'accord, Louis. Moi, je pense que c'est vrai aussi. Louis, d'accord aussi, Claire. Autant les rasoirs, oui, les dentifrices, ça me paraît étonnant. J'ai pas l'impression qu'il y a une. Que ce soit genré, les dentifrices. Claire a vu juste, c'est la seule à avoir eu bon. Sur ce coup-là, oui, j'ai fait un petit piège, j'aime bien les petits pièges en réponse. En fait, les principaux produits de beauté qui ont été concernés, enfin qui sont concernés par cette taxe rose officieuse, c'est les rasoirs, les mousses à raser, les déobilles, les coupes courtes chez le coiffeur, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, pour le même service, les tarifs étaient différents. Et c'est aussi étendu, par exemple, aux chemisiers dans les pressings. C'est plus cher de faire repasser un chemisier qu'une chemise homme. Donc, c'est ça qui a été... J'aurais pas pensé ça, par contre. Ouais, c'est ça qui a été montré du doigt. Je ne penserais pas à comparer genre ça, en fait. C'est fou. Oui, c'est comme quoi ça dépasse un peu le simple monde des cosmétiques. Il y a la mode aussi qui peut être concerné. On passe à la troisième affirmation. En réponse à cette polémique, le gouvernement a commandité une étude en 2014. Est-ce que c'est vrai ou faux pour vous? On a cinq questions, en fait. Je me suis trompée, je vous ai dit quatre, mais c'est bien cinq. Moi, je pense que c'est. Ouais, moi aussi. Parce que Qu'ils c'était réagissent vraiment pour après cette voir. polémique en 2014, le fait qu'ils réagissent vite et qu'ils lancent une étude, ça me paraîtrait le truc le plus logique en fait. Ouais. Toutes les deux Je suis d'accord. d'accord. Alors, cri-cri. Je dis vrai. Cri-cri est encore d'accord avec Pour le vous, coup, Louis? là, je pense que c'est vrai. Aussi pour Louis, Claire. 2014, ça me semble un peu. J'ai l'impression que c'est plus récent, mais bon, je me trompe peut-être. Alors, peut-être que c'est sorti en disons 2015 par exemple, mais en tout cas, c'est bien juste à la suite de ça, en effet. Bien joué, les filles, et Louis et Cricri, du coup. La secrétaire d'État aux droits des femmes, donc Pascale Boistard à l'époque, a alors décidé d'alerter les services de Bercy sur la question. L'État a commandité une étude pour vérifier l'existence de cette discrimination. Et finalement, ils ont conclu que les différences de prix relevaient en fait de la loi du marché, c'est-à-dire notamment le fait que les coûts publicitaires, par exemple, étaient plus élevés pour promouvoir ces produits genrés à destination des femmes. Et du coup, bah, les marques, dans ces cas-là, dépensent en plus en communication pour toucher leurs consommatrices, augmenter leurs prix ensuite. C'est ça qui a été conclu en fait par cette étude-là. Je trouve que pour les chemisiers ou les coupes chez le coiffeur, je vois pas ce qu'ils dépensent vraiment en plus, mais bon. Ouais, c'est disons que a priori c'est Peut-être les chemisiers, le. ça peut être la matière. Je crois Ouais. que ce que certains rétorquaient, c'est qu'il y a plus de plis au niveau du col et peut-être plus de, vous savez là de, j'ai plus le terme quand c'est un peu plissé au niveau de l'épaule. Ouais. Oui, Ah je les, vois. Je crois que je vois à quoi tu fais référence. ouais, Mais moi, j'ai j'aurais trouvé ça plus le mot. plus logique d'avancer la matière fragile, peut-être, hein, Alors, peut-être aussi, hein, oui. que c'est De vrai toute que j'avoue, façon, parfois, on a des chemisiers ouais. qui sont très... qui peuvent s'allumer très vite, quoi. Froissable, Ouais, voilà. ouais. Bah, c'est sûr que dans l'ensemble, il y a sans doute beaucoup de moments où ça se justifie, dès lors que le service est vraiment différent. Mais de temps en temps, il y a aussi des petites arnaques, quoi. Ouais, c'est le problème. C'est sûr. Alors, quatrième affirmation, les tampons et les serviettes hygiéniques sont reconnus comme des produits de première nécessité. On s'éloigne un petit peu, mais j'estimais que c'était intéressant aussi. Ça reste en lien. Qu'est-ce que vous en pensez, vrai ou faux? C'est dur parce que il me semble que enfin, ça me paraît très logique que ce soit le cas. En même temps, c'est la pilule qu'on rembourse, du coup. Je sais pas trop. Enfin, je vais dire oui, mais en même temps, je pense que ça se... Enfin, est-ce que c'est vraiment compris comme ça? Ça se questionne un peu. Et Et pour toi, moi, il me Marine? semble que c'est faux. Et justement, je crois que c'est un des combats actuels d'essayer de faire reconnaître les protections hygiéniques comme des produits de première nécessité parce que c'est un budget tous les Ouais. mois. Mais que pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que même, je crois que là, récemment, il y avait eu le fait que la pilule soit gratuite, enfin, toutes les pilules soient Jusqu'à gratuites 25 pour ans, oui. ouais, jusqu'à Ah 25 ans. oui. Et ça a relancé le débat sur les protections hygiéniques et pour l'instant il me semble hein, que c'est pas encore le cas, ça n'a pas été reconnu comme ça. Alors, donc du coup, tu estimes que Moi je dis que c'est c'est faux du faux. coup. Et Sarah, vrai. Marine, du coup, là, quand tu entends le terme produit de première nécessité, tu l'associes à un remboursement éventuel, c'est ça? Bah ouais, du coup. Oui. Alors C'est vrai que que du c'est vrai coup. que si on parle du remboursement, alors c'est pas un produit princier parce que c'est justement pas remboursé. Je Ouais, pense mais que j'ai même plutôt dit faux dans. parce que ça me paraîtrait plus logique parce que c'est vrai que c'est un des gros débats actuellement, c'est vrai. Et je pense que je sais, enfin, en fait, je vois pas comment ça peut être un argument, mais il y a des gens qui doivent se dire qu'on peut s'en passer, même si je ne vois pas. Ah Ah oui, oui, du on coup. peut vraiment, on peut vraiment pas s'en passer. Bah oui, ça paraît Du coup, c'est vrai difficile. que peut-être qu'on a. Peut-être que c'est moi qui définis mal produit de première nécessité. Et... Je ne sais pas, mais Voilà, je reste sur ma première idée. c'est là-dessus que ça va se jouer. Voyons voir Ouais. l'avis de nos auditeurs. Cri. Pour moi, c'est vrai. Prêt pour Cri. Louis. Bah non, malheureusement, ils sont pas reconnus comme produits de première nécessité et c'est bien dommage. Ils ne sont pas remboursés en tout cas. On va voir si c'est quand même considéré comme des produits de première nécessité. Claire? Je pense que c'est vrai. Il me semble que justement au moment de du Covid, ça a été abordé cette question-là. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, depuis 2016, depuis le 1er janvier 2016, ils ont été reconnus comme produits de première nécessité, ce qui a impliqué que la TVA dessus a été changée. Elle est passée alors à 5,5% alors qu'elle était à 20% jusqu'en 2016 sur ces Ah. produits-là. C'est fou, j'en ai vraiment jamais entendu parler. Ouais, moi non plus, Bah, c'est dingue. 2016, ça remonte pas mal. Ouais, Donc, mais pour autant, en 2016, on n'aurait pas entendu parler si ça avait été beaucoup évoqué, mais du coup, c'est une bonne chose. Oui. Hein. Je suis contente de m'être trompée, alors du coup. Oui, Ça alors veut dire que figure-toi de base, ça veut que. dire que les prix devaient être vachement plus élevés, en fait, surtout avant. Alors figure-toi que j'ai vu un article à ce sujet qui montrait qu'il n'y avait pas d'obligation enfin, pour les distributeurs d'imputer cette baisse sur les prix. Donc Ah, certains les distributeurs prix! n'ont même pas changé le prix. C'est Ils écœurant. ont juste profité pour augmenter leur C'est marge. ça. Exactement. C'est Bon, dingue. après, comme ils ont été, j'imagine qu'après coup, ils ont dû s'aligner. Hein, mais dans les mois qui ont suivi, il y a des journalistes qui en ont profité pour comparer les prix avant la loi et après. Et, C'est intelligent, ça, comme comparaison. C'est très ouais, c'est révélateur. rigolo. C'est vrai que ça devait faire un bon article à ce moment-là. Alors, on a Shakirate qui nous rejoint. Bonsoir. Et donc, t'es devenue une petite féministe. Eh bien, ce soir, nous parlons en effet du féminisme sous le prisme cosmétique, puisque dans Beauté Imaginée, c'est le thème, la beauté, les cosmétiques, le bien-être. Et du coup, en tout cas, on se rend compte que pour le moment, Sarah a eu, que je ne me trompe pas, là tu avais dit vrai, donc 3 points sur 4 pour le moment. Quand Marine. Marine, Zéro. t'es à Un. un seul point, je crois. Sur quatre. Il te reste une dernière opportunité d'avoir une note un peu moins minable. Je plaisante. Alors, du coup, cinquième affirmation. Le femvertising, c'est le fait de toucher exclusivement les femmes dans une publicité. Vrai ou faux pour vous? Le Tu peux redire le terme? femvertising. Le sim. Femvertising. Femvertising. Femvertising. Je pense Je que c'est précise que faux. le terme existe. Hein. Je n'ai pas inventé le terme quand même. Alors, mais est-ce que. N'allez pas voir sur Internet. Hein. C'est pas Non, non, rigolo, mais je celui-là. pense que c'est faux. Après, peut-être que je me trompe, mais je sais pas, je pense que c'est faux. Alors, Marine, tu Alors, penses quoi? je n'ai aucune idée. C'est pas là que je vais gagner mon point. Là, je T'as une chance sur réfléchis deux. stratégie. Pour savoir si je suis Sarah parce qu'elle a plus de points ou si du coup je m'oppose au cas où elle est faux. Oui, pour creuser l'écart. J'ai quand même envie de dire vrai, mais parce que je vois pas ce que ça peut vouloir dire d'autre. Donc tu préfères creuser l'écart. Donc peut-être que je vais dire, oh, heureusement que Marine m'a prêté Sarah pour ce live parce que sinon, je plaisante. Alors En du vrai, coup, par contre, c'est peut-être est-ce que... vrai parce que advertising en anglais, c'est genre tout ce qui est publicité. Et en soi, la femme, ça peut être Ouais. ça. Ouais, mais femme, du coup, si tu suis le truc de dire que c'est en anglais, femme en anglais, enfin, c'est pas femme, quoi. Ben, féminine, Je là, sais ça pas n'a rien si ça. à voir. Tu Ouais, penses? féministe, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Je féministe et pense que ça se féministe. discute, mais moi, j'ai eu l'impression de prime abord que non, mais peut-être que je me trompe en vrai, hein, mais dis-moi. Donc, on reste sur ça, c'est bon? Faux pour Sarah Ouais. et vrai pour Marine. Alors, est-ce que Cricri est d'accord avec Moi, lui je vais maintenant? dire vrai parce que ça serait tiré par les cheveux d'inventer ça. Alors, le terme existe, hein. Si, ce qui peut être tiré par les cheveux, c'est la définition juste après. Louis? Comme je ne connais pas le terme, je dirais comme Sarah, je pense que c'est faux aussi. Alors, suspense, l'écart s'est-il creusé? Ah, Claire avant. Je pense que c'est faux, je trouve que ça paraît trop gros. Oui, c'est faux, mais le terme existe Non! bien, donc désolée Marine, tu as 1 sur 5 quand Sarah culmine à 4 sur 4. 5, vous êtes complémentaires parce qu'à vous Enfin, deux, vous aviez tout bon. elle m'avait rejoint sur l'autre question, hein. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai perdu. T'inquiète pas, tu es forcément une source d'inspiration aussi, pas de problème. En tout cas, le femvertising, c'est en fait le fait de prôner des valeurs féministes dans la communication d'une marque. C'est la contraction donc de féminisme et de publicité advertising. Et il Ah, du coup, y j'avais a raison des quand même inf... sur ça. Oui, vous avez bien décortiqué du coup le terme, mais sinon ça aurait pu s'appeler woo-vertising ou Womanizing, woman-vertising. Et là, femme, c'était pour féminisme du coup. Il y a des C'est enseignes bête parce de... qu'en plus on l'a dit. Ouais. Ouais. Et du coup, quand les marques essayent de cibler voilà, les femmes et notamment... Votre génération, ce qu'on appelle les millennials, souvent ces marques-là vont prôner de plus en plus ces valeurs féministes dans leur campagne pour vous toucher. Et elles vont valoriser des corps féminins divers, essayer d'être plus à l'image de la société, de moins sexualiser leurs mannequins également, et d'aller à l'encontre des anciennes publicités stéréotypées et sexistes. Donc c'est le femvertising, c'est une tendance marketing en fait. Et d'ailleurs, j'ai découvert une association plutôt rigolote qui dénonce les marques qui font des packagings ou des publicités sexistes et les produits concernés par la taxe rose aussi, un peu partout en France. C'est l'association Pépites Sexistes. Et si vous voulez la suivre, regardez sur Twitter et Instagram. Régulièrement, en fait, on voit des posts avec une photo d'un exemple comme ça, soit de publicité bien trop stéréotypée ou sexiste, soit de produits impactés par cette taxe rose, entre guillemets. Pépite sexiste, si vous voulez, allez regarder. Ouais, j'avais déjà entendu ou vu. C'est vrai? Ah, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est assez rigolo. Parce que Ouais. comme elle a un certain poids maintenant, on voit que les marques sont obligées de prendre en compte les postes qui les concernent, quoi. J'aime Il n'y bien a plein voir de la choses comme ça qui se réactivité mettent ou en pas place des justement marques. pour bousculer les Oui. marques, j'ai remarqué. Dans plein de domaines, Ouais. c'est vraiment bien, je trouve. Et plus ces comptes-là prennent de l'ampleur, et plus ça leur laisse pas le choix, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai Et c'est que. vraiment, ça, j'ai l'impression parfois que les consommateurs un peu reprennent le pouvoir dans ces moments-là, je trouve ça C'est génial. vrai. Avec les réseaux sociaux et la possibilité de donner son avis, c'est sûr qu'il y a eu un renversement. Ouais. Ah, c'est Mais il y a marrant. aussi le côté un peu où ça buzz en fait. Et quand ça buzz, en fait, ils ne peuvent pas juste l'ignorer parce que ça fait scandale. Et c'est plus comme avant en fait où les marques y avait ce côté un Oui. peu genre. Il y a une distance quoi. Là, ils ne peuvent plus, ils doivent justement instaurer un peu un rapprochement, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça crée une vraie proximité, donc c'est forcément positif. Après, ça ne doit pas être évident du coup pour elle quand il y a parfois des scandales un petit peu un peu superficiels ou quoi. Il faut trancher, est-ce qu'elles doivent répondre à tout ou pas? J'imagine que c'est assez enfin un casse-tête. Mais c'est intéressant. Pour les consommateurs, a priori, c'est positif. Mais justement, je pense que pour elle, c'est un casse-tête de savoir quand il faut genre agir et quand parfois c'est pas Ouais. forcément crucial, oui. Ouais, c'est sûr. Et du coup, elles doivent être hyper au courant, faire de la veille permanente et tout ça. Donc, ouais, c'est pas évident. Du coup, c'est la fin de notre live beauté imaginée sur les inégalités hommes-femmes dans le secteur des cosmétiques. On a lié un peu beauté et thème de débat ce soir. J'ai bien aimé. Merci beaucoup, les filles, d'avoir participé. C'était cool d'être trois comme ça. Ouais, Merci de très nous avoir sympa. reçus, c'était vraiment super sympa. Ok, bah trop cool, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir imaginé mes belles invitées. Le prochain live, ce sera avec Élise fin novembre. On parlera du marketing dans les cosmétiques. Donc, c'est une transition parfaite. On reste pas mal dans le thème, puisque Élise a des expériences professionnelles dans ce domaine. Donc, ce sera cool. Si un soir, cher auditeur, tu veux être mon invité, fais-moi signe sur Instagram. Mon compte, c'est donc Beauté Imaginée sans accent, avec le tiret du 8 entre les deux mots. Rendez-vous sur mon blog beautéimaginée.com pour écouter tous les replays des lives et pour lire mes articles beauté. On va voir ce que nous dit Louis pour conclure. Super live. Encore merci à vous toutes pour ce live très animé et sur des sujets qui étaient très intéressants. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Génial, Louis, merci. Toujours avec des encouragements sympas. Ça fait plaisir. On va se quitter, à moins que vous ayez une dernière chose à dire. Sinon, on va se quitter sur le slam de Beauté Imaginée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Nouveau slam, je suis trop fière. Hop, c'est bon, on lance. On lance. On lance. Ah, alors Claire intervient d'abord. Merci pour ce live. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Claire. C'est parti pour notre slam, Claire, justement, puisque c'est Claire qui a complètement composé la musique. Les filles, vous pouvez éventuellement couper votre micro pour être sûr qu'on l'entende bien. C'est en haut, au milieu, il y a un petit micro. Parfait. Merci encore, les filles, et c'est parti. Bonne soirée à tous. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis un visage dissimulé. Sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Une âme sans peur de se révéler et de te confier quelques secrets de beauté. Et sans même la voir, pouvoir la dessiner, imagine, imagine sa beauté. Moi, c'est ta visage secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter autour d'un thème vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes même banales, j'attends pas du phénoménal. Je veux qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. Живет во всей планете, она чудесна и проста. Всем языкам на этом свете будет понятна красота. Ma rubrique préférée, c'est l'auditeur t'imagine. Nos auditeurs devinent si tu chantes, danses ou peins, si tu aimes la musique, le classique électronique ou le contemporain. Mes auditeurs estiment, si tu fais plus ou moins, que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences, partagés en transparence. Unafraid of revealing it all, disseminated the fragments of buried hope, and without any fear of seeing, like a picture your mom's painting. Imagine the beauty within. À bientôt sur Beauté Imaginée. Bonne soirée.